Bon, bonjour les amis. Non. Ah, vous me connaissez. Moi, non, t'inquiète pas, vas-y. Cette haine diffuse dans ce studio, un jour vous serez là. Vous me connaissez, moi je suis sensible à la cause écologique. Pour vous dire, j'ai appelé ma fille Dominique Voynet. J'ai appelé ma housse de couette, s'appelle Yannick Jadot. Et j'ai deux blousons en bois. Alors, je peux pas faire plus. Moi je suis comme Leïla, vous savez, je tire jamais la chasse. Ou alors uniquement dans les toilettes qui sont munies d'une chaîne à poignée. Sinon, je laisse en l'état. Hein. Je dis, tu sais quoi, que la nature se débrouille. Appelez seulement les gendarmes, ils seront bien reçus dans la ZAD. Non. Il paraît que c'est vrai. France Inter, c'est une légende à France Inter. Mais je crois que pour le coup, j'ai fait un vrai geste pour la planète. Quoi, tu as lavé Daniel Morin? Mais tu es inconscient, Ernesto. Ne jamais appliquer d'eau sur Daniel Morin, tout le monde sait ça. Daniel a une hygiène de félidée, il se lave à la langue. C'est sa façon à lui d'avoir la main verte. Non, pas du tout. Je me suis enfin débarrassé de ma voiture. C'est ce qu'on dit. C'est vrai, je vous avais dit. Je me suis enfin débarrassé de ma voiture. Je vous avais dit, tout pour l'écologie. Je prends plus que des taxis et des Uber. De moi, les générations futures diront, Guillermo Guise, il n'aura pas marqué l'histoire de l'addiction humaine. Oh que non. Il y a des pommes de pin qui s'exprimaient mieux que lui. Mais sur le plan strict de l'empreinte carbone, qu'est-ce qui nous aura étonné jusqu'au bout avec son volontarisme? Mais pour être tout à fait honnête, ça va me manquer, la voiture, c'est vraiment la liberté d'expression. Va te faire tatouer l'anus, sale cycliste. En voiture, je suis complètement Charlie. Mais là, c'est vrai, l'insulte de voiture, c'est pas transposable au transport en commun. Dans le métro, j'ai tenté un petit. Mais avance, putain, qu'est-ce que t'attends là? Démarre avec ton Audi de merde. Et moi, j'ai trouvé que dans le métro, les gens étaient hyper fermés. Très dans le on le prend mal et tout. On réagit en pratiquant la violence et on t'assène un low kick dans les zones spongieuses. En voiture, t'as pas ce problème, t'es protégé. En voiture, moi je faisais des sourires à la police. C'est un truc que je ferais jamais devant témoin. Je leur disais, regardez, je roule à 50, promis, je dépasse pas votre QI. Par principe, en bagnole, je pouvais être moi-même. Un mec tellement généreux, moi, combien de priorités de droite j'ai pas laissé? Je disais, regardez les gens, l'air de dire, tu vois cette priorité? C'était ma priorité. Eh ben, je te la laisse. Tu sais pourquoi? Parce que je suis sur France Inter. Et oui, et que j'ai une conduite de gauche, comme Augustin Trapenard. Voilà, mais ça va vraiment manquer mon habitacle. Il y a encore toutes mes crottes de nez dedans, j'ai pas eu le temps de les récupérer. J'ai laissé entre 11 et 16 kilos de substances organiques dans cette voiture. C'était devenu un être quasi vivant finalement. Je l'ai vendu à un zoo, je sais pas ce qu'ils vont en faire. La pollution aussi, ça va manquer, la pollution. C'est une pollution concrète, la voiture. J'étais addict à la fin, je léchais les particules fines, à même les ventilateurs. À la fin, j'ai cuit des gnocchis dans mon radiateur, enfin, j'ai mis du Grégoire à fond. J'étais à fond dans la pollution. Dans le métro, c'est pas pareil la pollution. C'est vrai, dans le métro, c'est différent. Parfois, tu te retrouves coincé 6 stations dans les selles d'un mec où tu dis, bon, là, biologiquement, il y a un truc fort qui est en train de se passer. Alors que sais-je, une permaculture de sida. Le tournage d'un film catastrophe, je sais pas, cette personne va clairement dégrader ma santé, mais c'est pas la même saveur que l'air conditionné à fond en plein embouteillage. Mais c'est pas mon truc, les transports en commun. Enfin, j'aime bien l'idée de transport, je crois moins en l'idée de en commun. Ce que je veux dire, c'est que si j'étais immensément riche comme Fred Sigrist par exemple, je m'achèterais pas une Tesla comme lui avec intérieur cuir de panda. Et je critique pas vos goûts, Fred, ça vous permet de ken sans payer, je comprends la démarche. Non, mais moi, si j'étais riche, j'achèterais direct une rame de métro avec un conducteur RATP privé. Je lui ferais Denis, mon petit aiglon. Vous me déposerez à la station Concorde, mais avant de passer par chez Albert Algouche, récupérer ma kétamine. C'est vrai, je regarderai les gens sur les quais, je leur ferai allez vous faire tatouer l'anus, salut Taylor, salut utilisateur RATP. C'est vrai, ça va me manquer. Vendre ma bagnole, c'est le symbole d'une nouvelle vie, repartir de l'individuel vers le collectif, quoi. Me reconnecter aux autres, reparler aux gens, parce que dans le métro, je vois des gens avoir des débats incroyables. Parfois, ça manque juste d'un interlocuteur véritable, quoi. C'est vrai, pour qu'on puisse appeler ça une vraie conversation et pas une très très belle vie intérieure. Et en parlant de vie intérieure, moi je retourne à la mienne. Allez, bonne émission, les amis. Bravo!